Dans quelques instants, nous revivons l'année 1996. Fadjet, Nancy, 94.2 FM. 20h, nous sommes ensemble sur Fadjet. 1996. Bonsoir Damien. Salut Olivier. Comment ça va? C'est Damien Olivier, donc de l'émission Électrophone. Une émission un peu spéciale pour les 30 ans de Fadjet. Ouais, avancée, parce qu'on est d'habitude, on est le samedi soir. Ouais, exactement, ouais. Et donc voilà, Fadjet nous a récompensé, j'ai envie de dire, en nous proposant 2 heures de live, 2 heures d'émission, dans lesquelles on accueillera le duo de Delta Blues au Hoboken Division, s'ils veulent bien monter. C'est par eux qu'on devrait commencer. L'anglais Rich Deluxe, ouais, des amis à nous, et le rock psychédélique des White Zoot Revolver. Alors les White Zoot Revolver, ils sont en bas, ils nous ont ramené la moitié du camion de la tournée des Rolling Stones. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Je sais pas trop comment on va les installer, mais bon, voilà, on est en direct, c'est ça qui est bien, ok? Donc voilà, tout le long de cette émission, on va axer surtout sur l'année 1996. Pour cette première heure. Ouais. Pour cette première heure, ouais. Donc année 1996, Damien, t'avais quel âge, toi? T'avais déjà 32 ans? Non, 20 ans. 20 ans, ouais. 1996, beaucoup de souvenirs peut-être pour toi? Ouais. Je t'ai demandé d'ailleurs de faire un petit focus sur l'année, ouais, sur quelques événements marquants. Si tu veux bien nous en parler. Bah oui, écoute, hein, écoute, donc on y est. Le temps que Hoboken Division s'installe. Bah écoute, je t'avouerai, quand j'ai fait les recherches, j'ai pas trouvé de choses très marrantes. Ouais. Hein, parce que c'est... Mais bon, on va commencer par le 1er janvier. Toutes les radios, puisqu'on est à la radio ici à Fadjet, toutes les radios françaises en 1996 ont l'obligation de diffuser au moins 40% de chansons en langue française dans enfin, leur programme. Enfin. Voilà, afin de promouvoir la musique francophone, cette loi est mise en vigueur. Elle oblige les stations privées à diffuser au moins 40% de musique française dans la journée. Ouais. Et parmi ces 40%, 20% des œuvres musicales émises doivent être consacrées aux jeunes talents. Ok, d'accord, ok. Voilà, donc ça a commencé à partir du 1er janvier 1996. D'accord. Le 8 janvier, on a François Mitterrand qui nous fait un coup de Jarnac. Voilà. Le 17 mai, on a le décès de Johnny Guitar Watson. Le 15 juin, il y a Ella Fitzgerald, la grande voix du jazz aussi, qui est morte. Le 3 juillet, c'est la naissance d'une grande voix de la chanson française, Kenji Girac. Le 8 juillet, un fait un peu plus personnel pour moi, c'est la rencontre de l'amour de ma vie qui m'a donné un fils, un cadeau, le plus beau cadeau du monde, qui s'appelle Thomas. Et je leur fais un petit coucou là, s'il me voit dans la... Coucou Thomas, le joli hommage. Voilà. Le 13 septembre, le rappeur américain et légende du rap Tupac meurt à 25 ans. Il y a que des décès en 1996. Ouais, il y a que des décès. On s'excuse, on n'y est pour rien. Le 18 octobre, en France, les numéros de téléphone passent de 8 à 10 chiffres. Ouais, ouais. Exactement. On ouais. abandonne le 16-1 et on passe du 03 au 83 okay. pour nous. Et une autre voix de la chanson française naît le 26 novembre. Je crois que tes enfants adorent. En tout cas, mes filles adorent. C'est Louane. Louane, voilà, la naissance de Louane en 1996. Ça ne me rajeunit pas. Ça ne te rajeunit pas. Non. Florent à la technique, a bien voulu faire la technique. Merci Florent. Mais de rien, avec Bienvenue. Plaisir. Sinon, on peut peut-être faire un focus aussi sur les films qui sont sortis. Les films, en 1996. Il y a Trainspotting de Danny Boyle, Fargo de Frère Cohen, Roméo et Juliette avec Leonardo DiCaprio, le de beau. Baz Luhrmann. Il y a Bernie Dupontel, Scream de Wes Craven, Breaking the Wave de Lars von Trier, le 8e jour de Jaco van Dommaerel qui a eu une palme d'or à Cannes, je crois. Ah bah c'est bien ça. Le 8e jour, c'est le film avec un personnage qui est trisomique, c'est ouais, celui-là c'est ça. Ouais, avec Daniel Auteuil. Puis Daniel Auteuil, ouais, ouais, ils ont une palme d'or, je crois, tous les deux. Chansons françaises aussi, justement. Tiens, moi je vais parler un peu des chansons qui sont sorties cette année. Ouais. Beaucoup de très bonnes chansons. Non, Caruso, Florent Pagny, Aïcha, Raled. Chaque jour est un long chemin d'Elsa, Conte Partiro, Andrea Bocelli. Ouais, ouais. Enfin, beaucoup de trucs beaucoup qu'on. De rock'n'roll français. Qu'on passe. qu'on passe c'est du hard. Très souvent dans l'électrophone. Macarena, en l'occurrence, Los del Rio. Ah, ça, c'est d'une violence inouïe. C'est fou, ça. C'est complètement fou, quoi. Tout de Lara Fabian. Enfin, bon, bref. Voilà. Ah, Vanessa de Doc Gineco aussi. Voilà. Victoire de la musique. Ouais. Maxime Le Forestier, interprète masculin de l'année. Interprète féminin de l'année, Véronique Sanson. Révélation masculine, Ménélic. Révélation féminine, et ça c'est important, Corinne Hermès. Ouais, on retient toujours le goût inhabituel de de recherche de personnes défricheurs, de jeunes gens défricheurs dans la musique française. Corinne Hermès, écoute, moi c'est simple, je ne connais même pas une chanson. Moi non plus. Ça pourrait être un quiz, tiens, citez-moi trois chansons de Corinne Hermès. Tu connais ? Bien sûr que non. Je serais capable de chanter aussi la chanson de Mélique. Mais oui, hein, tu es la seule qui m'a et je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. C'est parce qu'on écoutait MC Solar aussi, ce qu'il chantait avec MC Solar. Par contre, on voulait faire aussi un petit clin d'œil. Si Electrophone avait existé en 1996, qu'est-ce qu'on aurait passé ? Eh bien, on a quelques albums. Ouais, pas mal. Il y a pas mal de choses qui sont sorties dans notre, comment, dans notre courant musical. Ouais. Un peu de trucs indés. Moi, par exemple, j'aurais passé Didi Shadow Introducing. Ouais. Les Fugees, The Score. Ça te parle, ça ? Ouh là là là ! Didi Shadow, mais je croyais que c'était beaucoup plus récent que ça, en fait. Ah non, pas du tout. Non. FFF avec l'album FFF. Free for Fever et puis Sepultura avec la chanson, l'album Roots par exemple. C'est cool. Voilà ce que j'aurais passé. Bah, moi j'aurais passé Belle et Sébastien, Weezer, Deus, Nick Kev, Gadey the By, Voices. Il y a Noir Désir qui avait sorti un album aussi en 97, Stereolab, 96. Il y a Cat Power, Soul Coughing, Sebado, mon groupe, un de mes groupes cultes aussi qui est sorti Armacy en 96. Eh ben écoute Damien, ce que je te propose là, c'est de passer un titre. Ouais, de 96, on a choisi le titre Beck, Devil's Haircut. Et voilà. Et je voudrais faire un petit coucou à un ami, un fan de Beck qui fête ses 40 ans aujourd'hui. Ouais, parce qu'on a écouté en Belgique. Ouais. Ouais, je sais qu'il nous écoute. Donc, bon anniversaire Greg. C'est pour toi. Ouais. Bah, bon anniversaire à Greg et bon anniversaire à Fadjet. 30 et 40 ans respectivement chacun. C'est parti. Temperatures dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces. Heads are hanging from the garbage man trees, mouthwash, jukebox, gasoline. Pistols are pointing at a poor man's pockets, smiling eyes ripping out of his sockets. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. On the sympathy crutches, discount orgies on the dropout buses, hitching a ride with the bleeding noses, coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut in my mind. Got a devil's haircut. Dans Electrophone avec le titre Devil's Haircut. Extrait de quel album, Damien ? Odelay. Odelay, ouais. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, peut-être qui nous écoutent dans leur voiture. Les Hoboken Division viennent d'arriver. Salut, salut Olivier. Ouais, salut. Et on rappelle que vous pouvez suivre aussi les 30 ans de Fadjet via la webcam dédiée sur l'émission. Ouais, voilà, donc vous pouvez les voir, il suffit de vous rendre sur le site. Avant de commencer Hoboken Division, durant tous ces 30 ans, on rend hommage à tous les gens qui ont fait cette radio. Donc on va passer à un petit extrait d'interview d'un acteur de la maison qui s'appelle Ghislain Pirot. Donc Roger, c'est quand tu veux. Ok, c'est parti. Bonjour Ghislain Pirot, tu es l'un des anciens de Fadjet. Tu as été l'un des premiers à s'occuper vraiment de l'aspect radio à Fadjet. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était ton rôle à l'époque ? Mon rôle était de centraliser un petit peu la demande que nécessite une radio, c'est-à-dire avoir le côté professionnel, le côté qui va rendre attractif une écoute. Toutes les bases étaient là, le côté convivialité, relation, échange, partage, était apporté par ce qui avait été créé par Guy Lescane. Manquait maintenant à trouver un aspect plus professionnel, moins bricolage, c'est le mot qu'on utilisait à l'époque. Pour ça, j'avais quand même quelques bases, des bases que j'avais apprises faisant des stages à l'Institut National de l'Audiovisuel, qui ont permis, avec des choses très simples, de réorganiser une grille d'antenne pour fidéliser l'écoute, mais en même temps structurer toutes ces connaissances et ce savoir et cette envie de faire de la radio par tous ces jeunes qui sont venus et qui viennent encore, pour leur donner justement un moule, une base, quelque chose qui va leur permettre de véhiculer leur passion pour la musique, pour l'échange, mais de manière professionnelle. Donc la qualité à l'antenne, c'est un petit peu toi qui l'as amené, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté personnellement, ton époque à Fadjet, et puis peut-être professionnellement également? Alors il faut savoir que la radio, j'en avais fait avant d'arriver sur Fadjet, et au tout départ, la radio était pour moi une passion, la musique était quelque chose qui me passionnait. J'étais plus dans le côté technique, le côté faire de la qualité, faire des choses très pointilleuses. Mais il faut savoir que le plus important, et ce que m'a apporté Fadjet, ça c'est indéniable, c'est l'échange. L'échange, le partage, la relation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas construire quelque chose si on ne donne pas envie de partager. Et donc ce que je garde, parce que mon métier actuel, il est toujours dans la création de formats musicaux sur un autre univers, puisqu'on est dans l'univers de la vente. Lorsque vous allez dans un point de vente, vous avez la surprise quelquefois de ne pas entendre de la radio. Et d'avoir des playlists musicales. Voilà, des playlists musicales. Donc c'est mon univers. Ce que je garde, c'est toujours ce côté humain, parce qu'on n'est pas des machines. Bien qu'on soit maintenant sur des univers complètement informatisés, on est dans l'univers du numérique, mais il ne faut pas oublier que c'est toujours l'humain qui, au dernier moment, va décider. Et c'est vrai que l'humain à Fadjet s'est placé au centre, au cœur, hein, carrément. C'est pour ça qu'on dit souvent que Fadjet, c'est plus qu'une radio, c'est aussi une maison, un lieu d'accueil. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter par rapport à l'époque où tu étais sur Fadjet? Ouais, l'anecdote, je dirais, c'est d'avoir entendu sur deux radios nationales de première écoute deux personnes qui avaient choisi de faire plus que de la radio, mais du journalisme. C'était sur France Info et c'était sur BFM. Mmh. C'était le 13h. Deux personnes qui étaient passées à Fadjet et qui présentaient en national les informations. Et ces deux personnes-là étaient passées par Fadjet. Et ce qui est rigolo, c'est qu'évidemment, on les a recontactées, ces personnes-là. Ah, donc, sûr. On a eu des extraits dans cette journée de Gillane Barré, qu'on a nommé, de BFM TV. Et puis, bien d'autres qui, depuis ton départ, ont fait aussi leurs armes sur Fadjet avant d'aller sur les grandes radios nationales. Il y a Olivier Bost, notamment, qui maintenant est sur RTL avec Yves Calvi. Voilà. Ça, c'est des gens qui ont voulu peut-être un petit peu plus pousser. Et Fadjet leur a permis aussi de ce tremplin de pouvoir aller plus loin dans leur passion. D'autres aussi se sont nourris de cet échange, de ce partage, et j'en ai encore beaucoup en contact qui, quelquefois, sur les réseaux sociaux, je les vois, ils m'écrivent parce que Fadjet reste un point central et c'est quelque chose qui a été un passage important dans ma vie, hein, je le cache pas, parce qu'il y a une personne aussi qui était très importante dans cette maison, Guy Lescane, effectivement le fondateur, mais surtout Marie-Claude Vivier, ouais. Qu'on a interviewé également. Qui s'est détecté en chacun ses faiblesses, ses qualités, et puis qui s'est aussi apporté ce côté, entre parenthèses, mais maman, quoi, et puis voilà, qui s'est nous accompagné. Merci beaucoup, Ghislain, d'avoir témoigné, de nous avoir donné un petit peu tes impressions sur Fadjet, sur ce que ça a été pour toi. On te remercie vraiment beaucoup pour ce témoignage. Et bonne vie à Fadjet, et pourquoi pas encore revenir dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Avec plaisir. C'est plus que radio, vous êtes toujours sur Radio Fadjet, vous écoutez Electrophone, j'ai l'impression d'être le samedi soir là. Donc c'était l'interview d'un des, voilà, d'un comment, d'un des bénévoles de Fadjet qui a travaillé. Il y en a beaucoup, beaucoup des bénévoles. On est quasiment tous bénévoles, même d'ailleurs. Mmh. Fadjet, c'est une grande maison. On va aussi passer un petit extrait d'une émission, Tiziri, si tu veux bien, qui est diffusée tous les samedis de midi à 13h. Il dormait là, Roger, là. Émission de culture berbère, si tu veux bien, pour leur faire aussi un petit peu de promo. Azul Falamara and Sophie Swenra Tiziri. Votre émission de culture berbère, c'est tous les samedis sur Fadjet, Tiziri. Midi 13h, c'est chaque semaine des infos, des chroniques, des débats, des invités, sans oublier la musique. Rendez-vous donc samedi midi 13h, votre émission de culture berbère, Tiziri. Voilà, c'était un petit peu de promo pour les collègues qui, voilà, les collègues animateurs qui font des choses bien. Et puis Fadjet, donc c'est aussi beaucoup de stars. La preuve, ce soir on est au Boken Division, on va voir Rich Deluxe après. Mais c'est aussi les Wise Dude Revolver, ouais, ne les oublions pas. Mais c'est aussi d'autres stars, des personnes qui sont venues à la radio. Et on a une petite interview de Sœur Emmanuelle qui est assez rigolote, qu'on va vous diffuser tout de suite. Depuis 1985, un lieu unique d'accueil, d'écoute et d'expression pour et avec des jeunes. Ils sont tous passés au micro de Fadjet. De l'abbé Pierre à Antoine Decaune, de Jean d'Ormesson à Lilian de The Voice, ils sont le symbole de la diversité des programmes de Fadjet. Tout de suite, un morceau choisi juste pour vous. Et en 30 ans d'interview, vous doutez bien qu'on a des perles. Du coup, on vous propose cet extrait de Sœur Emmanuelle en 1997 qui nous avoue son péché mignon. Alors, quand je sens vers 4-5 heures, ça va pas, il suffit que je prenne 2 carrés de chocolat, voilà. Je le prends, supposons, à 5h30, c'est fini, je peux travailler jusqu'à minuit, une heure. Alors, il y a des jours où j'en prends, et puis des jours où ça va bien, j'en prends pas, tout simplement. Considérez-vous le chocolat comme une pharmacopée ou comme la source d'un péché de gourmandise? Un péché? Mais mon Dieu, un péché? Quel péché? Un péché de manger du chocolat, que Dieu ait pitié de nous. Enfin, écoute, cher ami, Dieu n'est pas comme ça, vraiment. Je vous demande votre avis, ma sœur. Mais mon avis, c'est que Dieu, qui est un père, est très content quand il voit manger du chocolat, puisqu'en mangeant ce chocolat, je reprends un certain tonus. Par exemple, c'est vrai, pour le moment, je suis arrivée ici, j'étais assez fatiguée. Je me suis dit, mon Dieu, encore toute la soirée. Et puis j'ai dit, mais Jacques, allez, apporte-moi du chocolat, ça va me... Pst. Et je sens que quand j'en aurai pris encore un peu, je vais faire ma soirée, je vais parler, je vais, je sais pas, c'est ce qu'on va me demander. Voilà. Merci de ces bons conseils culinaires. Culinaires, si tu veux, ça t'intéresse, prends du chocolat. Tiens, il y en a, justement. Tu es fatiguée, prends du chocolat. Merci. Allez, allez, allez-y, c'est fait pour être mangé, je vais pas manger ça toute seule. Allez, hop, il faut passer ça, hop. Merci, Sœur Emmanuelle, pour ce conseil, manger du chocolat. Alors, bon. Vous aimez le chocolat, les Boken Division? Ouais, moi je dois être en super forme, du coup. Ouais, bien sûr. comment ça va, Boken Division? Donc, on ne vous présente plus. Je ne sais pas combien de fois vous êtes passé déjà dans Electrophone et sur Fadjet. Ah, pas mal de fois. Hein. Pas mal de fois. Qu'est-ce que ça représente, tiens, un peu pour vous, justement, toutes ces radios associatives? Ah bah c'est les premières qui nous ouvrent les ondes. Ouais. Et c'est les premières qui nous accueillent, et donc c'est super important. Ok, ouais. Bah pour nous, on a toujours été dans le... pas trop de, comment on pourrait dire ça. Enfin, on est content de voir les gens qui se bougent par leur passion, en fait. Ouais. Et c'est toujours plus intéressant de passer du temps avec ces gens-là qu'avec des... Parce que vous, on peut pros, le dire. Hein. Entre guillemets. On peut le dire, vous êtes même passé sur RTL quand même. Ouais. Attention, hein. Ouais. On est des stars ce soir, hein, Damien. Ouais. Ah, c'est pas la même. Hein, c'est... Non, c'est pas la même, ça c'est sûr. Et 1996, du fait que c'est l'année qu'on fête, là, cette année, c'est... vous aviez quel âge, Marie? T'étais pas née. Oh, tu parles. Ça, tu étais très jeune. Non, j'avais 11 ans. 11 ans, d'accord, ouais, ok. Vous avez quelques souvenirs? Je sais pas si vous avez entendu l'éphéméride de Damien de tout à l'heure. Ben, non, pas du tout. Non, on était trop dans le couloir où il y a beaucoup de monde. Ouais, d'accord. Okay. C'est vrai qu'il y a énormément de monde. D'ailleurs, vous pouvez. On peut lancer un appel aux auditeurs qui peuvent nous rejoindre, comme Marie par exemple qui est à côté de toi. Bonjour, qui est venue pour prendre des photos. Non, mais c'est ça, c'est une grande famille. L'habitude des concerts. C'est une grande famille. Ouais, l'habitude des concerts. Ouais. Mm. C'est une grande famille Fadjet. Donc là, il y a Marie, Mathieu et donc un nouveau que je ne connais pas. Un petit gamin. Hein, je ne connais pas. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Très bien. Ouais, Thibaut, donc effectivement, au Boken Division, pour ceux qui vous connaissent, au départ c'était un duo. Oui. Aujourd'hui, c'est quoi, une formule trio? Ouais. C'est ça? On peut dire ça, comme ça, donc ça y est, il est... En fait, Akai s'est transformé en Thibaut. Ouais. Voilà. Il a remplacé l'ancien batteur japonais. Ex-batteur, ou je sais pas, ou peut-être que ça existe encore, des Wayfarers? Je sais pas, non? On n'a peut-être pas le droit d'en parler. Je sais pas. Gros blanc. Gros blanc, excusez-moi. Non, non, c'est en pause prolongée pour l'instant. Ok, d'accord. Okay. Non, donc tu étais le batteur en l'occurrence des Wayfarers. Tu as voulu rejoindre au Broken Division, des amis. J'ai pas voulu, ils m'ont demandé. Ah oui, d'accord, ils t'ont demandé. Attention. Ils te payent. Non, il voulait pas, c'est parce qu'on lui a promis des salaires mirobolants. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Alors que tout n'est que mensonge. Okay. Mais il nous suit quand même. Ah, cool. Il est sympa, il est sympa. Jusque-là, ça passe. Ouais. Damien, une question peut-être pour nos amis de Broken, ou sinon on commence directement avec. Oui, qu'est-ce qu'il nous a apporté, Thibaut? Ah, déjà son extraordinaire beauté. Oui, oh, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il est beau. Voilà. Les rouflaquettes, c'est quelque beauté chose. Beauté de mods. Non, mais au-delà de ça, non, ça change tout en live. C'est vraiment chouette. Moi qui ai eu la chance de vous voir au Trinitaire, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai trouvé que c'était carrément changé, je trouve, le set. Toi, tu étais vachement plus libre. Ah, bah ouais, c'est clair. Maintenant qu'il y a Thibaut, en fait, je peux me concentrer sur la guitare vraiment. Quoi. Enfin, tu peux jouer. Ouais, bah joue alors. C'est ça. C'est parti. Voilà, transition. Non, parce que comme il y a un peu de monde derrière justement. Quel titre? Alors c'est The Coffee Song. Ok, c'est parti. Broken Division tout de suite sur Radio Fadjet. Black coffee, bottom up. I am the 3-hour sleeping man. Don't even feel the lack of sleep. I am a late night working mate. Bring the coffee if you wanna be friend. Bring even more if you want my love. Don't even need anything more. I am a long time pleased lover. I am a long time pleased lover. A long, long day, hands down, yeah. Black coffee, bottom up. A long, long day, hands down. Black coffee, bottom up. A long, long day, hands down. I really need to stop. My soul's as dark as my coffee. I'll have troubles finding my love. Don't even feel the lack of it. I am a long gone single lover. I am a long gone single lover. A long, long day, hands down. Black coffee, bottom up. A long, feet bottom up. A long, long day, hands down. Yeah, I really need to stop. Well, those coffees, they hold me up like you should. Lucky I am no whiskey drinker. That kill me even more. Black coffee, bottom up. A long, long day, hands down. Black coffee, bottom up. A long, long day, hands down. Yeah, that kill me even more. Yeah, that kill me even more. Yeah, that kill me even more. Yet I could kill me even more. Super, super. Bravo, on applaudit bien fort. Au Broken Division, superbe, comme d'habitude. Merci Olivier. Ouais, en live en plus. Ouais, complètement en live. Bah oui, complètement. Complètement live. Complètement, hein. Live pour demain. Ce qui est bien, ce que j'ai aimé avec vous, et ce que j'aime toujours, c'est que voilà, je vous envoie un petit mail, je vous dis on fait les 30 ans de Fadjet, et puis... Vous n'avez pas mis 3 ans à répondre, comme on a dit, ok, d'accord, banco, c'est parti. Merci. Ah, merci, je pense que ça fait plaisir aux auditeurs et puis à la radio. En tout cas, merci, merci pour votre générosité, votre gentillesse. Non, mais voilà, c'était, vous le méritez. Et donc, extrait donc, enfin, Hoboken Division, un album, Arts and Craft, disponible dans toutes les bonnes boutiques. Ouais, surtout à la face cachée. Surtout à la face cachée. <en l'occurrence. rire> Non, on peut aussi vous l'acheter. Pardon ? On peut aussi vous l'acheter. Ouais, ouais, ben, sur Bandcamp et chez tous les bons disquaires indépendants. Ouais, exactement. Ouais. Donc, ça marche plutôt bien. Vous avez, enfin, les retours presse sont plutôt bons. Hein. Ouais. Ouais, ouais, on a eu des bons retours. Jusqu'à monsieur Philippe Manœuvre, je crois, qui a parlé de notre album. Non, mais quand même, attends, ouais. Vous êtes passé sur RTL, Philippe Manœuvre, voilà, ce soir, on a des stars qu'on passe sur Emmanuel. Quoi, c'est le même registre. N'importe non, mais, quoi. Non, non, mais. Non, c'est vrai que c'était vraiment sympa. En fait, on a réussi à s'entourer de personnes qui partagent à peu près les mêmes valeurs que nous. Et cette personne-là qui s'appelle Nicolas Miliani, qui a un label aussi qui s'appelle Normandy Blues Records, nous donne un gros coup de main pour essayer de nous dépatouiller dans ce monde de la musique. Ouais, et c'est pas simple. Ouais, non, c'est vraiment pas simple. Et du coup, grâce à lui, on a pu faire beaucoup de choses cette année et on a aussi donné beaucoup, nous, en termes de travail et de promotion. Et en fait, quand ça paye, ça fait plaisir, quoi. Bien sûr, bien sûr. Du coup, ouais. On va se déboucher le champagne. Je pense la semaine prochaine parce qu'on a fini la tournée là. D'accord, ouais. On a aussi deuxième pressage de l'album, donc ça veut dire qu'il est bien parti. Ouais. Et puis voilà, là on repart sur des nouvelles choses, sur des nouvelles compos, sur un nouveau set live. D'accord. Et donc là il y aura peut-être un peu de batterie, je suppose, sur les nouvelles compos. Ouais. c'est pas trop dur pour un batteur comme toi justement de reprendre. Vous jouiez beaucoup avec la batterie électronique, je pense qu'on appelle ça comme ça. Et toi d'arriver. Ça a été quand même du boulot quoi, pour ne pas dénaturer complètement la chose. Ouais. Donc on a fait un bon mix des deux, je trouve qu'il n'est pas trop mal. Ouais. Donc là, il n'y a plus moyen de vous revoir avant la fin de l'année, alors, pour cette fin d'année. Ah, là, ça va être hormis sur Radio Fadjet, naturellement. Oui. Exactement, ouais. Okay. Ou en concert privé. D'accord, en concert privé, on vous invitera. Damien ? Le fait que l'album ait bien marché, vous avez ressenti une différence dans la perception des gens envers le groupe ? C'est difficile à dire, ouais, en fait, parce qu'on a... En fait, la tournée qu'on a faite, c'était en partie des endroits où on était déjà, donc là, ça changeait rien. Mmh. Et puis les nouveaux endroits, on ne sait pas à quoi c'est dû, on ne sait pas si on était bien reçu, mais on ne sait pas si c'était dû à la présence de Thibaut, du coup c'est plus facilement abordable qu'une boîte à rythme. Sans doute. Ou si c'était dû à la promotion aussi, ou honnêtement, ça je ne saurais pas dire, quoi. Il faut attendre encore un petit peu. Oui, ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est pas, on n'a pas pressé non plus 15 000 albums, donc c'est compliqué de... Ce que je trouvais impressionnant, c'était en termes de booking. Tu vois, je pensais qu'on aurait plus de facilité à booker les dates. Ouais. Et en fait, pas du tout. C'est toujours la même galère. Mais par contre, au niveau auditeur, on a réussi à toucher des gens à qui le blues parle vraiment, le garage aussi. Et grâce à la promo qu'on a fait, on a pu toucher ces gens-là. Et puis à chaque fois, ils nous demandent quand est-ce que vous passez à Orléans, à Grenoble, à Strasbourg, etc. Ouais, il y a quand même une attente. Alors si des gens vous demandent quand est-ce que vous passez Oui, un petit peu, oui. Est-ce qu'au niveau du public féminin, ça s'est ressenti avec l'arrivée de Thibaut? Ah, bien sûr. Ah, c'est insupportable maintenant. C'est vrai, ça va être dur. Mathieu, sous le coup, t'as plus de temps de faire la guitare, quoi. Voilà, c'est ça. Et sur la tournée, on avait un carton de soutif, c'était impressionnant. D'accord, on lui jette sur scène, c'est comme. Mais c'est pour ça qu'il est là aussi. Voilà. Ouais, non, mais c'est vrai, non, mais c'est très bien. On touche un public large, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Entre 15 et 75. Un boys band à toi tout seul. Hein. On s'écoute un petit titre. Encore un petit titre live. Yeah. C'est parti. Donc, toujours extrait de votre album. Shake. Hoboken Division, vous êtes toujours sur Radio Fadjet. Vous écoutez les 30 ans, le 30e anniversaire de Radio Fadjet en live. Mathieu. C'est parti. We were get somebody, show them down and shake it all twice. Aucune division. Alors j'espère vraiment que pour les personnes qui nous écoutent, que le rendu est bon. Ben là, je fais confiance complètement à Roger. En tout cas, ici, on prend notre panard. Hein. Bravo. Ah ben merci. Oh, non, c'est très bien. D'ailleurs, Marie est en train de décéder. Marie est en train de s'échouffer. On perd la chanteuse, c'est très dommage qu'il restera comme un titre après. C'est ça, c'est du direct. Hein. C'est du direct. Hein. Ouais, c'est la grosse maladie, là. Parce qu'en fait, justement, pour la compile de Noël, on a pris un peu de retard à cause des microbes de novembre. D'accord, ok. Donc la compile de Noël, on n'avait pas le droit d'en parler. Ah. On n'avait pas le droit d'en parler. C'est pas grave. Mais quelle compile de Noël ? C'est pas grave. En tout cas, vous êtes en train de mettre la pression au groupe suivant, là. Je les vois qui vous regardent par la fenêtre. Hein. Ah, ils commencent à flipper. Hein. Donc on rappelle que juste après vous, ça sera Rich Lux, notre anglais préféré. Hein, de Nancy, vous connaissez aussi, je suppose. Ouais, il nous donne beaucoup de mains sur pas mal de choses de traduction quand on envoie des choses en Allemagne. Il donne beaucoup de coups de main à tout le monde, je crois. Ouais. Hein. Et puis donc les Wisewood Revolver, si on arrive à installer la sono qu'ils nous ont demandé. Écoutez, au Bocken, c'est super. J'ai fait un petit quiz. Je me suis l'année 96. Alors Marie, tu avais quel âge, tu m'as dit? 11 ans. J'avais 11 ans. Mais il n'y a pas d'eau en plus. Non, c'est vrai. Je meurs lentement sous vos yeux. Tiens, il en a, vas-y, rentre. Ah ben c'est ça, c'est le direct. Je me suis amusé à faire un petit quiz là justement, simple. Merci. Bonsoir, c'est question pour un champion. Bonsoir Julien. Bonsoir, ouais, bonsoir. Je suis. Merci. On va laisser tourner le générique. Mais donc vous pourrez gagner une encyclopédie Larousse si. Oh waouh, génial. Ouais, voilà. Donc un petit quiz sur l'année 1987. Alors, j'ai pris des thèmes faciles. Par exemple, première question, voilà. Le 20 octobre au Nicaragua, qui remporte les élections face au sandiniste Daniel Ortega? Ah, ça c'est pour Mathieu, ça. Arnoldo Alemán. Oui, Arnoldo Alemán. Bravo. Non mais attends, t'as les réponses. Non, bah non, il le sait. Ouais, non, c'est un quiz qui est complètement de mauvaise foi en fait. Ok, donc en fait c'est Damien qui va gagner. Ok, non, on l'a fait comme ça. Non, c'est pas vrai. Non, quelques petites Challenge. Questions. Quelques petites questions sur 96. Tiens, en France, dans la nuit du 15 au 16 mars, 100 000 abonnés de Canal Plus ont été privés des 40 dernières minutes du film La Liste de Schindler. Pourquoi? Attention. Parce que c'est triste. Parce que c'est triste. Ah, elles sont dures quand même. Parce que le journal dure d'arriver. Non, c'est pas ça. Non, alors faut faire. À cause d'une éclipse solaire qui a provoqué l'arrêt du satellite TDF1. Pas mal. Est-ce que vous le saviez, hein, c'est quelques petites anecdotes. Sport, qui le 21 juillet s'impose au Tour de France et qui 11 ans plus tard sera déclassé à la suite de ses aveux de dopage et laissera le palmarès vierge pour l'édition de 96. C'est Virenque ou c'est Lance Armstrong? C'est Virenque. Non, c'est pas. C'est pas Virenque. Non, mais il y a fait combien? C'est Tony. Bjorn Riss. Voilà. Non, mais comme quoi le dopage, ça ne date pas d'hier. Ils l'ont tous fait, quoi. En fait, ils l'ont tous fait. Ouais. Quel film remporte le César du meilleur film? Facile, un film sur les banlieues en l'occurrence. C'est de la peur. La haine. La haine, bravo. Bravo Thibaut. Oh, j'avais pas mal. Musique. Musique, dernière question. Musique, attention. Thibaut, un point, les autres zéro. Hein. Ouais. Bon, ouais, puis Damien. Ça joue entre Damien et moi. Damien, je t'en mets deux. Merci. Favoritisme. C'est ça, attends, ouais. Il fait de l'émission avec moi. Le 28 mai, quel chanteur est déclaré mort pendant 2 minutes à la suite d'une overdose d'héroïne et de cocaïne dans une chambre d'hôtel de Los Angeles? C'est pas le mec d'Inexcess? Non. Non, lui, il est mort pour de vrai. Il est vraiment mort. Il est vraiment mort. Attends, encore. Dommage, mais que... Un chanteur, en l'occurrence, le chanteur de Dépêche Mode. Ouais, il y a une faille, ça va. Ah, tu cherchais un vrai chanteur, ouais. Voilà, c'était le petit quiz. Bravo. Bravo à Thibaut. Qui, donc, tu gagnes une super encyclopédie Larousse. Je suis très, très fier. Voilà. on te l'a fait livrer. Ok. Puis ça t'aidera pour mettre sur tes tabourets de batterie. Tous volumes. Hein. Et puis les mettra sur ses tabourets de batterie pour être faire une cale pour être un peu plus. Ouais, enfin, on se comprend. Enfin, les gens qui ont la webcam comprennent aussi. Ok, au Pokémon Division, on fait quoi? On se fait encore une petite chanson. Il reste encore un petit peu de temps. Moi, Damien, tu avais peut-être une question à leur poser. On peut y aller. On peut y aller, ouais. S'ils sont prêts. C'est vrai, tu vas mourir, Marie? Tu le sens pas? Probable. Mais au pire, je mourrai en direct. Ouais, tu mourras sur scène. Comme Dalida. Devant les projecteurs. Voilà. Hein, merci. Ça y est, merci. Ça y est, il a trouvé le bouton. Bravo, super. Et il y en a plein encore des quiz après, hein, Roger. Ok. Donc, Roger, okay. Des Dead Stereo Boots à la technique, qu'on salue. Bonjour. Bonjour, bonjour Roger. Allez, c'est parti, en Pokémon Division. Quel titre? My woman. Ah, je l'aime pas. Non, je l'adore, il est super. De toute façon, on vous adore. Allez, c'est parti. J'adore, c'est génial. C'est génial, je me suis fait la tête de Marie. C'est génial, j'adore. Allez, vas-y. I let my mind go rambling Nothing but the telephone change my baby's mind. Fou, c'est fou, bravo. Frisson, frisson. Frisson, là, ouais. Au Pokémon Division, là, on n'est pas en 94, là, on est dans les années 70, quoi. Louis Denis aurait pas fait mieux, quoi. Le Velvet aurait pas fait mieux. Le Velvet aurait pas fait mieux. Non, bravo. Merci beaucoup d'être venu. Thibaut, merci d'avoir accepté. C'était, je sais que c'était pas facile pour toi. Ouais, je t'aime bien, je t'aime bien. Là, ce qui est marrant, c'est que c'est vrai qu'on n'a jamais trop fait d'émission parce que là, seulement que tu accompagnes au Pokémon, mais c'est vrai qu'on se connaît beaucoup... En dehors de Fadjet, ouais. Donc, je connais ta femme également. je sais où t'habites. Je sais où t'habites, Thibaut. Je sais même que des fois tu te fais passer pour Damien. Enfin, on a quelques anecdotes comme ça ensemble. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que, en tout cas, que ça a plu aux auditeurs. Ça, j'en suis certain. Merci Marie, à vous. Marie qui est là elle adore. Et d'ailleurs, je vois même des gens qui ont carrément vos t-shirts. voilà. Merci de nous embrasser. Et donc, juste. Pour terminer avec vous, tu parlais tout à l'heure d'une compile de Noël. Allez, on va crever l'abcès. Effectivement, il y a quelque chose qui est en préparation aujourd'hui. En ce moment, avec les amis d'Europe Hop, on va essayer de sortir une. On va essayer. C'est plutôt bien parti. Une compilation de chants de Noël par tous des groupes locaux. En l'occurrence, vous êtes dedans, Rich est dedans et les Wise Dudes aussi. Et on les remercie. Donc, on a reçu quelques titres. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a Asia Esh, il y a Tequila Savate. Oui. Ouais, Tequila Savate, il y a l'ami Roger, il y a les Dirty Work of Soul Brothers, enfin je peux pas tous les citer, mais voilà, ça devrait sortir bientôt, c'est super bien fait. Kiss Amilé qui nous a fait un super titre, enfin bon bref, et voilà, ça sera l'ambiance de Noël. Manuel Etienne, on peut pas tous les citer, mais en tout cas, merci au Bokken. Nous, c'est toujours un plaisir de recevoir des groupes locaux. On force le trait là-dessus pour les gens qui écoutent Electrophone, peut-être que... Et qui lisent les chroniques. Et qui lisent les chroniques, ouais. Le site www.emission-electrophone.fr. On avait fait une petite playlist de 96 pour faire la transition avec l'arrivée de Rich. Si tu veux bien, Roger, dire quelques titres, puis c'est Mathieu et Marie qui vont choisir un titre. Alors, il y a Hills, Novocaine for Soul, The Brian Johnston Massacre. J'aurais dû commencer par celui-là. Ouais, okay. Donc Vacuum Boots. Vacuum Boots, c'est parti. Merci en tout cas. Et puis longue vie. Longue vie au Pokémon Division. On rappelle votre site sur Facebook. Enfin, vous êtes partout. Et puis si les gens qui suivent de toute façon les 30 ans de Fadjet, on les mettra en lien partout. Merci beaucoup. Merci les gars. À bientôt. Merci à vous. Ils peuvent rester. Oui, ils peuvent rester. Ouais. Dans vos oreilles. C'est pas grave, ouais, Marie. On t'en veut pas. Tu repos quand tu veux. Allez. Est-ce que quelqu'un peut éloigner Roger du bouton? Non, j'aime bien, j'adore. Vas-y, ben non. Balance le son. Electrophone. Vous êtes toujours sous Radio Fagette, vous écoutez Electrophone, une émission un peu spéciale, deux heures de live pour les 30 ans, les 30 ans de Radio Fagette, déjà 30 ans. Une radio associative qui a 30 ans, ne doit pas y en avoir beaucoup. Et voilà, après une super prestation d'Hoboken Division, on reçoit un autre invité, Rich, Rich Deluxe. Ouais, ça va être moins bien, je pense. C'est vrai ? Hey, Rich, Rich, là, t'as la pression. Hein. Donc Rich, on l'adore. Ouais, je suis déjà un peu moins joli que la dame. Que Marie. Que Marie, bah, ça c'est sûr. Mais tu c'est tousses sûr. Moins quand même. Ouais. Ah oui, elle a un peu... Elle a un peu toussé, ouais. Non, mais bon, tu... Je dis rien. Parce que... Écoute, tu as la beauté anglaise, Rich. Oui. Voilà, écoute. La beauté intérieure. Tu es un vrai anglais, donc en quelques mots, Rich, on parlait de l'année 1996. T'avais quel âge, toi, Rich, en 96 t'avais, j'avais 12 ans. 3 ans. Ouais. T'avais déjà sorti combien d'albums T'avais déjà sorti quoi combien d'albums t'avais sorti, ouais. T'étais déjà sur Nancy, Rich, à l'époque Oui, oui. Non, j'étais à Longwy, en fait. T'es à Longwy, ah oui, d'accord. T'es arrivé en France quand Avant ça. Avant ça, oui, d'accord, ok, ouais. Okay. Pas, c'est un peu comme Lobo là ou quoi. J'ai rien fait. Je les ai pas logés. M'excuse. Voilà l'humour anglais de Rich, on adore. Donc Rich Deluxe. Ouais, tu dis ça maintenant, mais. Ouais, Rich Deluxe, pour le présenter, deux albums. En l'occurrence, deux vrais albums à toi. Ouais, c'est ça, oui. Oui. Hein, donc, oui. Rappelle-moi le nom du premier. Le premier, enfin, il n'y avait pas de nom, c'était le nom du groupe, c'est Rich Deluxe, Remedial School Orchestra. Ok, ouais. Et puis cette année, il y a eu Orchids. Il y a eu Orchids. Ouais. Plus un truc solo, enfin, solo avec plein de gens, c'est-à-dire que pas le même groupe, quoi, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et maintenant, il y a le même groupe. Donc, on repart vers un plan de groupe, en fait. Ah, y a maintenant, tu arrives à tourner avec, avec un groupe. Enfin. Oui, et puis l'autre coup, c'est vrai qu'un des membres du groupe, que je ne citerai pas, mais il est. Il est barbu et puis il a des baguettes. Ouais. Il a dit on devrait faire un EP avec ce son parce que c'est plus du tout comme le son de l'album ni rien en fait. Ah, exclu alors. Okay. Non, il a dit ça. Hein, ah, pas, d'accord, mais, ouais. C'est sûr que je pense que bah, Matt et Thibaut qui sont dans des groupes qui sont là avec nous dans la pièce, ils savent que tu essaies toujours de continuer à faire des trucs, quoi. Tu t'intéresses pas. Enfin, quand le disque sort, pour les gens, quand il sort, il est nouveau, mais pour toi, il est pas nouveau, en fait. En fait, Rich, quand t'es pas au Royal, quand t'es pas à la cantine, oui. Et quand t'es pas chez Gérard, tu fais de la musique. Oui, oui. C'est un peu ça, quoi. Mais c'est comme je disais un peu aujourd'hui, ils ont mis un il y a eu des bons côtés à tous les mauvaises choses, et nous, on a eu une vigile à la cantine, ouais. Qui est super jolie, en fait. Tu veux lui faire une chanson ? Bah, elle a pas voulu me faire la fouille. Pas voulu. Enfin, mais tu te promènes avec un tube de Harissa à chaque fois. Voilà, c'est ça. Il faut juste que j'apprenne quelques phrases et tout. Et donc, un premier album et un deuxième que nous on adorait. Orchids, On aimait déjà beaucoup le premier, mais on se connaissait pas à l'époque. Et ouais. Donc, un deuxième album, Orchids. Ouais, ça a eu beaucoup plus de. Enfin, comment. D'attention, je pense. Mais beaucoup. Dans un sens, je vais dire, puisqu'on est là pour. Pour les annives et tout, et puis ça me donnait l'air d'un gros faillot, mais c'est vrai que des gens comme vous, vous m'avez beaucoup aidé. Je pense, tu sais bien que... J'attendais que tu le dises. Ouais. Donc je vous remercie beaucoup. Non, j'ai mais, amené non, non, de la drogue, et puis il y a deux roumaines en bas pour toi aussi. D'accord, ok. Comme c'est l'annive. Ah, ma femme, écoute, arrête. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est pas vrai. Non, hein. Mais, oui. Non, mais, ouais, donc Orchids, très, très, très joli album. Ouais. Enfin, je dis oui, mais c'est nerveux. Avec un peu toute la famille... une grosse partie de la famille musicale nancéenne. Tout le monde travaille un peu avec toi, Rich. C'était pas vraiment voulu. Hein. C'est pas comme si au début je me suis dit ouais, je vais demander à tout le monde. Il y avait deux projets différents qui se passaient, quoi. Ouais. Et pour aucune raison, à vrai dire. Et à un moment, je me disais bon bah voilà, je mets tout sur un Bandcamp gratos. Mais effectivement, c'est des gens comme toi ou des autres personnes qui disent « Ah non, ça vaut le coup peut-être de faire un album, donc je l'ai fait, puis voilà. Ouais, » parce qu'il faut juste rappeler pour les gens qui ne connaîtraient pas Rich Deluxe, c'est ton album est un peu en deux parties, une partie un peu garage, ouais. Et une partie très soul, tu aimes ça toi ce son, c'est, ouais, j'adore, tu as des cuivres, tu as tout ça. J'adore ça, oui, j'ai toujours écouté comme deux branches différentes, c'est-à-dire tout ce qui est pop anglaise, new wave, tout ça, enfin les compositeurs, etc., avec en branchant vers la country, j'adore les balades comme ça. Mais écoute, mais j'ai toujours écouté la soul quoi, Stevie Wonder, j'adorais quand j'étais gamin, enfin plein de trucs quoi. Naturellement, puis dans l'Angleterre, forcément t'avais quelques quelques mentors. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde imagine qu'on écoute que des tueries en Angleterre, c'est que des Kinks partout, mais c'est vrai qu'on a nos One Direction, nos Boys Band, tout ça. Enfin, c'est vrai, hein, c'est assez lamentable. Mais, mais quand même, quand il y a des fêtes de famille ou tout ça, même les personnes âgées connaissent tous la Motown, quoi. Oui, oui, ou les Beatles, je suppose. Oui, bon, ça, c'est normal. C'est mais dans les jeunes, ça. Smokey Robinson, ici, c'est un peu exotique, mais là-bas, c'est une tube, quoi. There's a clown, tu mets ça dans une mariage, il y a tous les vieux qui dansent. Génial. Oui. Mais bon, on a quand même vraiment des merdes aussi. Orchid, c'est aussi un album où on retrouve pas mal d'artistes de la région. Oui, c'est ça. Tu peux peut-être en citer quelques-uns. Oui. Bah, en fait, comme Olivier disait, c'est un truc qui a été fait en deux parties. C'est-à-dire que la première partie, c'était avec le groupe qui avait fait le premier album, donc mon groupe Remedial School Orchestra, c'est-à-dire Laurent Hassoun, Sacha Hugh et Nathalie Sibylle à l'époque, en fait. Et on avait 5 titres qui restaient. Et là, je leur ai dit, on a qu'à les faire dans un week-end avec un son bien garage. Et je leur ai même dit, mais je pense qu'ils ne m'ont pas écouté, mais ça l'a fait quand même, c'était qu'on essaie de sonner un peu comme les Bad Seeds. Pas trop de cymbales, un son un peu lourd comme ça. Enfin, donc ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'était avec Doc Joe, parce que c'est un gars de Metz, si les gens ne le connaissent pas, qui est juste hyper doué. Et on jouait ensemble dans des soirées, des soirées privées. Et à un moment, il me dit, ce serait bien de faire ça, parce qu'on jouait déjà un ou deux des morceaux avec My Secret, Rose et Venus, tout ça. Et en fait, Rose et Venus, c'est marrant comme chanson, c'est la première chanson de l'album. Et il était un peu disputé entre les deux projets. C'est-à-dire que Sacha, il m'en a toujours un peu voulu qu'on ne l'a pas fait dans le projet garage. Parce que c'est vrai qu'on avait une version d'enfer, en fait. Mais donc, du coup... On pourrait le refaire. On va peut-être faire une chanson, parce que là, le temps passe. On l'a fait comment, là? Parce que j'ai vu qu'il y avait Mathieu et Thibaut qui étaient là aussi. Tant qu'ils sont là, on va commencer avec eux, en fait. J'allais pas le faire. Comme tu veux, Richard. Ouais. Ok, donc. Donc là, juste pour vous expliquer, Mathieu et Thibaut n'ont jamais entendu cette chanson de leur vie. Voilà, ouais, c'est l'avantage. On aurait peut-être pas dû la faire maintenant alors. Un jour j'irai à New York avec ça. C'est parti, allez, Rich de Luxe. She never went to a charm school. She never really needed to. She could charm all of the sunbeams out of the trees. She could charm anything at all out of me. Charm is the color I'm painting without. Blurting things out doesn't really count. I could cure a few of my ills with the social skills, but don't hold your breath. Charm's not gonna be on the menu quite yet. If you got the heart, you can. The feeling that loud. Stop playing the jump school game. Lavender floating through the glass, violins floating through the scene. She lies back and gently laughs, pouring the phone down the phone to me, to me. If you got a heart, playing the chimes to a game. If you got a heart, if you got a heart, you can stop playing out loud, stop playing the chimes to a game. Yeah, Rich Deluxe, featuring Mathieu Cazenave de Broken Division et Thibaut. Ouais, moi je leur remercie parce qu'ils ont bien assuré vu qu'ils n'ont jamais entendu ça. Ouais, bravo, bravo. Non mais bravo, ouais, une pure exclue. Un pure exclue. Ouais, une Rich... nouvelle chanson, tout ce que tu veux. C'est vrai, c'est une nouvelle chanson en plus. Ouais, ouais. C'est vrai que je ne la connaissais pas celle-là, parce que ouais, je connais quasiment toutes tes chansons. Ouais. La nouvelle. Bah, il y en a plusieurs, d'ailleurs, après, il y en aura d'autres. Oui, j'espère bien, ouais. On va attendre un petit peu, parce que je ne vais pas te demander de refaire un morceau, parce que, là, voilà, truc, on arrive à la fin de l'année, 1996, donc, Rich, tu vas rester avec nous. Ouais. On va continuer encore, oh là, qu'est-ce que c'est que ça. On va encore te réécouter pendant une dizaine de musiques, je vous ferai encore des petits quiz, mais on va faire un zoom, là, d'ici 30 secondes, sur l'année 1997. Voilà, donc on passe l'année 96. On balance l'année 97, c'est parti. Dans quelques instants, nous revivons l'année 1997. Fadjet, Nancy, 94.2 FM. Ah ouais, il est 21h sur Fadjet. Moi, j'ai oublié les casques. Il est 21h sur Fadjet, nous venons de passer en 1997. Bonne année ! Voilà, allez hop, on balance un petit peu de truc, un petit peu de... Bonne année Damien. Bonne année à toi aussi. Bonne année Rich. Happy New Year's Rich. On est en train de mettre un de ces caillons dans le studio. C'est un bordel. C'est complètement fou. Donc vous êtes toujours sur Radio Fadjet pour les 30 ans. Les 30 ans de Radio Fadjet, la petite radio associative. Voilà déjà 30 ans. En compagnie de Rich Deluxe et à suivre. viendront bientôt. Les White Wood Revolver, s'ils arrivent à installer un peu tout leur matériel, ça a l'air bon. Je les regarde, ça a l'air bon. En tout cas, ils sont prêts. Et c'est juste l'orchestre symphonique qui va pas passer. Ouais, c'est ça. Pour entrer les violoncelles et tout, ça va être un peu bizarre. Donc, on passe en 1997. On va faire un petit focus sur l'année 97. Damien, je t'ai demandé de nous faire un petit focus sur 97. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette année ? Mon année commence le 14 juin avec le premier festival rock en scène. C'est pas vrai ? Si, ouais, le premier, y étais. Ouais, le festival rock à Paris, et j'ai eu cette chance, j'y étais effectivement au Parc des Princes. Première édition du festival rock en scène. Voilà, le 30 août, c'est la dernière émission du Club Dorothée. Ouais, ça c'est, je pense que... Là, moi j'y étais, personnellement, j'y étais aussi. Enfin, tu sais, non, il y avait mon nom à la fin dans les anniversaires, qui passait à 2000 à l'heure. Et le lendemain, les Didi n'avaient pas supporté, donc elle s'est... incastré sous le pont de l'Allemagne. La pauvre. 31 août. La pauvre. Et le 1er septembre, encore le surlendemain, la sortie du Super Mario 64 sur Nintendo 64. D'accord, ok. La première fois. Okay. Dans les films de l'année, il y a Titanic de James Cameron. Finalement. Que tout le monde a vu. La vérité, si je mens. Le cinquième élément, Jackie Brown. Wild Hunting avec la super BO de Elliot Smith. Princesse Mononoke. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait pu passer en... Si Electrophone aurait existé en 1997, qu'est-ce qu'on aurait passé ? Moi, j'aurais certainement passé Daft Punk avec l'album Homework, ouais. Prodigy de Fat of the Land, Blur avec l'album Blur, Oasis, donc La Guerre, tiens, ça tombe bien, Rich, avec un anglais, Be Here Now et The Verve, encore un, peut-être avec l'hymne de toute une génération, Urban avec l'album Hymns. Urban Hymns, ouais. Voilà. Et toi, t'aurais passé quoi, toi ? Bah, des trucs que je connais pas. Elliot Smith, il y a les Spiritualize aussi, que les Wasteland, avec un vrai Revolver, Adore. Aussi. Il y avait le Nick Cave, l'album Bootman and Colts, il y avait Stereo Labs, bah oui, les Tindersticks, les Charlatans, que j'aurais passé forcément, Pavement avec Brighton the Corners, les Dandy Warhols aussi, un autre groupe que les Wise Dudes apprécient, je suppose. Ouais. Il y avait le Blur, Teenage Fan Club, Dinosaur Junior, tout ça. Okay. Et classique, quoi, pour moi. Quelques décès aussi. Décès, oui, il y a Richard Berry qui est mort. Chuck Berry. Hein. Chuck Berry. C'est toi qui m'as. Richard Berry. Acteur. Non, il n'est pas mort. Hein. Chuck Berry. Sur Facebook. Chuck Berry, ouais. Il y a Notorious B.I.G., le rappeur américain. Michael Hutchence, le chanteur d'INXS. Il y a Barbara, la chanteuse française. Ouais. Et Stéphane Grappelli, le violoniste. Ok, et bah pour introduire cette année, on va s'écouter un des titres de l'année. Là, ce coup-ci, c'est moi qui l'ai choisi. Tout à l'heure, c'est toi qui l'as choisi. Moi, j'ai envie de m'écouter un petit Daft Punk, parce que je crois qu'à partir de ce titre, beaucoup de choses sont parties. Touch. La French Touch. Et donc, ils ont quand même mis la musique française sur le toit du monde. Voilà, un petit Daft Punk, c'est parti, tout de suite. 100 Club sur Fadjet. Dans quelques instants, nous revivons l'année 1997. Fadjet, Nancy, 94.2 FM. Il est 21h sur Fadjet. Eh ben bravo, bravo. C'est très kitsch. Hein. Bravo, bravo. C'était ouais. Le jingle kitsch. Non, t'as plombé l'émission. Là. J'ai plombé l'émission. Bah ouais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. Non, mais c'est pas. Et merci pas. En tout cas de faire la technique. On a fait. Là, c'est le troisième technicien. Les mecs, on les juste pour les gens, c'est 21h10. Hein, ouais. Si oui, non, mais c'est 21h10. Les mecs qui vont se dépêcher en voiture, tu sais. Je suis désolé, je me suis trompé de bouton. Ça fait des accidents, toi. C'est pas grave. On t'en veut pas. Si tu veux un jingle kitsch, je peux te le passer. Non, non, mais c'est bon. On le passera un peu plus tard. Ok, d'accord. Parce que là, c'est l'heure de l'invité. Invité de la maison Fadjet. En l'occurrence, Francis. Salut Olivier. Francis, comment vas-tu ? Bah écoute, très bien, je suis ravi d'être devant ce micro. Ah bah j'espère bien. J'y suis pas souvent en mais ce oui, moment. Mais oui, c'est vrai, on ne t'entend plus à non, grand... Non, mais je fais plus d'émissions en ce moment, donc je suis plutôt dans les coulisses. C'est vrai que donc, je suis plus devant les micros. Voilà, ouais, justement, est-ce que tu peux expliquer un peu ta place ? Moi, je la connais, hein, mais pour les gens qui ne la connaîtraient pas, ma principale casquette en ce moment, c'est je m'occupe du site internet de la radio. Voilà. Enfin, c'est pas en ce moment, tu t'en es toujours occupé. En fait, le site, à l'origine, c'est toi. Oui, on peut dire ça. C'est, ouais. C'est moi qui l'ai apporté à la radio, qui l'ai proposé bénévolement, puisque c'est une association. Naturellement, ouais. Et puis, bah, voilà, depuis 1996 qu'il existe ce site. D'accord, quand ok, ouais, quand même, ouais. Bah, voilà. Tu vois, 1996, depuis l'année dernière. Il aurait pu le dire tout à l'heure. Il fallait dire tout à l'heure, en fait, ouais, d'accord, ok. C'était difficile à monter un site comme ça pour une radio au départ? C'est pas la radio en fait qui a monté le site, c'est moi qui ai proposé le site à la radio. D'accord, donc il a fallu que je négocie, que j'explique à la radio de l'époque que ce c'était qu'un site internet pour une radio associative et quel était l'intérêt. Et puis finalement ce qui a donné le feu vert, c'est que finalement ça leur coûtait rien et puis qu'ils comprenaient pas mais qu'on allait essayer quoi. Ouais, bien sûr, voilà. Ouais. Bah, aujourd'hui ça paraît primordial. Ah bah oui, mais attendez, c'était en 96 hein. Ouais, bien sûr, ouais, c'est un peu précurseur en fait. Il y avait quasiment aucune radio associative qui avait un site internet à l'époque, il y avait que les radios, les grandes radios quoi. Ouais, bien sûr. Et tu diffusais déjà en streaming Je crois me souvenir que oui, mais ça c'était grâce à Jean-Luc déjà. Ouais, Jean-Luc qui avait trouvé une rediffusion de alors je sais plus si c'était TDF ou quelque chose comme ça, mais ils avaient besoin d'avoir une radio locale à Nancy qui diffuse pour pouvoir promouvoir auprès des autres radios sur Nancy. Et puis, ils n'en avaient pas, donc ils nous l'avaient proposé à nous gratuitement. Et on a eu comme ça pendant quelques années la rediffusion online, gratos, avec une qualité qui n'avait rien à voir avec ce que faisaient les autres radios. C'était vraiment top. Ouais, franchement, c'était top. Ouais. Donc, tu t'occupes de ça, tu t'occupes aussi d'autres choses un peu. Tu aimes faire des vidéos tout le temps, tu aimes bien filmer. Tu es très actif en fait dans la vie de Fadjet. Ça fait combien de temps ? C'est depuis 94 que tu y es ou tu y étais non, déjà un peu avant. Ouais. 91, j'ai participé au début de la matinale. D'accord, ok. Ouais. Celle du matin, là, le 7h-9h. On a monté l'émission. Il y avait des gens de... On s'était fait aider par des professionnels de... Alors à l'époque, il y avait notamment des journalistes de Radio France Lorraine, alors, qui ne s'appelaient pas comme ça à l'époque. Ouais. Et voilà, ça s'est monté comme ça. Et depuis, j'ai vraiment les pieds dans Fadjet. Quoi. Et puis c'est rigolo que tu sois là dans l'électrophone. Tu tenais aussi une émission. Enfin, tu tenais, je ne sais pas si on peut dire ça. En tout cas, tu animais une émission. Qui ressemblait un peu. Enfin, moi je l'écoutais. Tu étais aussi. J'avais un auditeur. Non, mais c'est vrai parce que. Non, mais je l'écoutais pas tout le temps. Non, mais alors, mon émission, on s'appelait. J'avais une émission, je l'ai fait quoi pendant 6 ans. Après, j'ai arrêté parce que le problème, c'est que ça prend du temps. Une hebdomadaire, moi, j'avais calculé une heure d'émission à l'antenne, c'est 4 ou 5 heures de boulot toutes les semaines. À un moment donné, on s'arrête. Ah bon, c'est ça? Non, mais. Je sais pas, les auditeurs le savent pas forcément. Quoi. Oui, non, mais bien sûr, quand on prépare vraiment ces émissions, bah, c'est du boulot, quoi. C'est pas de l'impro comme on pourrait imaginer. Et donc cette émission-là, elle avait comme intérêt de vouloir faire découvrir des artistes autoproduits et qui n'ont pas signé dans les grands labels. Voilà, c'est la fameuse diffusion sur Internet de la musique libre, gratuite et légale. Voilà. J'insiste parce que on va nous bourrer le crâne en disant que vous téléchargez la musique sur gratuitement sur internet, c'est pas bien. Non, c'était la grosse réfléchissez époque. Les gens. Voilà, il y a de quoi faire gratuitement et légalement. Et puis c'était la grosse époque où effectivement tout le monde allait un peu piocher partout. En un mot, Fadjet, ça serait quoi pour toi, Francis? Alors, j'ai entendu d'autres personnes qui ont déjà répondu à ce genre de questions. Et là, je vais pas être original, mais c'est quelque part, c'est aussi une famille. Oui, ouais, c'est vrai. C'est pas original, mais c'est une réalité. Quoi. On se sent bien quand on vient ici. On croise des gens qu'on connaît, qu'on bavarde, on passe du temps et il y a pas d'embrouille. C'est on vient faire quelque chose qu'on aime tous, hein, à la fois de la radio, mais aussi du contact et de l'échange. Finalement, c'est ça aussi, de l'échange soit entre nous, soit aussi avec les auditeurs, parce que c'est aussi notre rôle. Et puis c'est ça, c'est une famille. Est-ce que tu pensais qu'un jour Fadjet aurait 30 ans? C'est énorme, 30 ans. Pour en fait, le problème c'est que le temps passe tellement vite qu'on voit pas les années passer. Je me souviens quand on avait fait les 20 ans, que j'avais beaucoup participé aux travaux d'organisation de la fête. J'ai moins suivi ceux des 25 ans, et puis, puis voilà, on est toujours 30 ans. Non, mais on est toujours 30 ans. Je suis posé une question. Non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, bah, rendez-vous dans 10 ans pour les 40 ans, et puis ça va, tout à fait, ça, ouais. ça va continuer, parce que j'ai quand même constaté quelque chose, c'est que les gens qui sont plus dans l'ombre de l'association cette fois, qui font que la radio puisse continuer à vivre, se démènent pour que, bah, concrètement, l'assoce ait encore de l'argent pour pouvoir tourner, quoi. C'est l'air de la guerre, mais c'est vrai pour tout, mais notamment pour cette association. Et on voit que voilà, on trouve des idées, on se réoriente, on garde toujours le même principe et la même ligne directrice, mais on s'adapte, et puis bah, ça marche. Okay. Donc il n'y a pas de raison que dans 10 ans, on ne soit pas là, quoi. Exactement. Eh ben, merci Francis, en tout cas, d'être venu. Ça m'a fait plaisir de te recevoir. À ton service. Ouais, on va continuer avec un petit extrait, un extrait d'émission qui passait à l'époque. Ça s'appelle Résidence Jean Lamour. C'est un feuilleton radiophonique. Swan, si tu veux bien nous balancer un petit extrait. Swan, on va le virer. Si tu voudrais bien appuyer sur la touche à côté. Résidence Jean Lamour. Salut, c'est Florian Aubin. Mon père a construit une résidence au cœur de Nancy, j'en suis le gardien. Quant aux locataires... Qu'est-ce qu'ils ont les locataires ? Moi, c'est Gaëlle Durtal, je travaille dans le cinéma du quartier. Marie-Hélène Beaupréau, et je suis prof de musique. Cyril Louvier, employé de banque. Franck Dornan, étudiant et je viens de Nantes. Et moi de Metz, Jennifer Bernet. Tout le monde est là ? Ah non, il manque Samuel. Voilà, voilà, j'arrive, Samuel Ride. Notre DJ, yeah ! C'est parti ! Moteur. Résidence Jean Lamour. Oh, doucement Gaëlle, doucement. En chasse-neige, je t'ai dit, voilà. Tiens-toi bien droite. Oui, parfait. Attention, il y a quelqu'un qui arrive. Oh, oh, sauf qu'il peut. Tu trouves pas que le moteur fait un drôle de bruit? Bah, les bons coups de Grégoire. Oh, de toute façon, au prix où t'as payé cette voiture. En tout cas, j'aurais des choses à raconter à Marie-Hélène. Mes leçons de ski, nos balades sous surveillance... Nos soirées chalées au coin du feu et notre descente aux enfers sous l'orage. Ça y est, le moteur est noyé. Attention, Franck! Mais tu roules trop vite, attention, il y a un virage là! Mais je contrôle plus rien! Mais freine, Franck, freine! Il n'y a plus de frein, je peux pas! Et on le revoit! Non! Toute ma famille est à l'abri. Extrait donc Résident Jean Lamour, un feuilleton radiophonique, mais l'idée est bonne. Plus belle la vie à Nancy. Ouais, non, mais c'était ça, ouais. Et puis une petite interview aussi qu'on voulait diffuser, une interview de star. Tout à l'heure on a eu sur Emmanuel. Là, Antoine Decaune, s'il vous plaît quand même. Bon. Ouais, qui est venu voilà, nous parler de Radio Fadjet. C'est parti. Depuis 1985, un lieu unique d'accueil, d'écoute et d'expression pour et avec des jeunes. Ils sont tous passés au micro de Fadjet. De l'abbé Pierre à Antoine Decaune, de Jean d'Ormesson à Lilian de The Voice, ils sont le symbole de la diversité des programmes de Fadjet. Tout de suite, un morceau choisi juste pour vous. On connaît Antoine Decaune pour son Didier l'embrouille, on sait qu'il a la verve et la réponse facile, alors il faut faire attention aux questions qu'on lui pose. C'était en 1997, toujours dans Charlie & Co. Antoine, dans le film, vous jouez un type bien. Ça vous a changé un petit peu ou... Tu veux ma main dans la gueule, toi? Oui, j'ai l'impression de progresser, mais si j'avais pas l'impression de progresser, j'arrêterais tout de suite. J'ai l'impression que de film en film et de rencontre en rencontre, j'apprends à chaque fois des choses, comme je le disais à l'instant, je découvre des choses que j'ignorais. Antoine Decaune, dans l'électrophone, j'étais en train de... il y a la webcam qui a bougé, on nous envoie. Ça veut dire qu'il y a des gens qui nous regardent quand même. Ben, oui. Hein, et on rappelle que pour ces 30 ans, on a fait les choses en grand, vous pouvez nous regarder. Sur YouTube. Via une webcam, on fait un boiler room en fait avec Rich Deluxe, voilà. Qui va nous jouer. Rich, tu vas bien? Oui, super. Ouais. Toujours, ouais. Écoute, tu vas nous jouer un petit titre. Tout se passe dans tous les sens, donc je ne comprends plus rien. J'ai vu que toi, tu prends des notes. J'allais faire ma chanson. Il écrit sa chanson. Noël, mais... Là, il vient d'écrire une chanson pendant qu'on passait le titre de la fin. En fait, je voulais faire une chanson en français parce que, en fait, je ne vais pas le faire. D'accord. Mais en fait, j'ai entendu que 21h20, c'était le moment de la journée où il fallait faire du boxant. Donc, en fait, ça 21h20 va... Oui, pourquoi? C'est le truc. La semaine dernière. Il y a une semaine. Ah oui, d'accord, ok. T'as fait du bruit, c'est vrai. Ok, autant pour moi, autant. Oui, j'étais pas au courant. Donc j'allais faire une chanson française que je connais pas très bien, donc j'avais aimé même les accords, et puis après, non, je vais pas le faire. Donc. Ok, bah vas-y, bah pousse la chansonnette, là, Rich. Pousse la chansonnette pour 21h20. C'est parti, il est 21h20. Everyone says hi. down this old light, locked down in the darkest winter night, rang out your rocking sound. The maniacs stood shouting as you played, "These are gonna be my friends." I knew straight away. Everyone says hi, everyone says hi, everyone says hi. I lived in my own world for so long, for a while way back then. I lived in yours, that fabulous thrifty's world, your brilliant grits, cousin girls, and my white smile lit up the room. Now it's everywhere I turn. Everyone says hi, everyone says hi, everyone says juke joint on the outskirts of town, where the cats pick them up and then lay them down. You get your girl, I'll get mine, and we'll get together and have a good time. 'Cause everyone says hi, everyone says hi, says hi. Thank you, Rich. Thank you very much. Thank you, ouais, ouais. J'avais préparé. Hey, le temps même dehors, on applaudit. Même dehors, on applaudit. Ouais. Le temps passe tellement vite que j'ai préparé des questions. Je ne sais même pas si je vais avoir le temps de vous les poser. Sinon, je fais une autre chanson. Hein. Ouais, non, Rich, on va se faire une autre chanson, ça sera mieux. Donc, je rappelle. Non, que... mais vas-y. Non, mais je n'avais pas de questions. Non, mais par exemple, au Mali, le 8 juin 1996, quel président de la République entame un second mandat en 5 ans, tu vois? 80. Alpha Oumar Kanaré. Ouais, bien, t'as bien. Ouais. Bien. Non, ouais, c'était. On verra bien. Peut-être qu'avec les Wise Youth, on aura le temps. Non, on va entamer une deuxième chanson. On rappelle juste que vous pouvez toujours venir nous rendre visite à Fadjet. Je sais pas si c'est ouvert pendant les 30 heures. En tout cas, vous pouvez faire comme Marie qui est là, ou alors Rémi. On sait pas pourquoi il est venu. Il est venu. Il a vu la lumière. Il a vu la lumière. Il a mis un casque. Il est venu dire bonjour. Cher, Rémi, non, mais c'est super, Rémi. Merci beaucoup. Voilà. Rich, encore une petite chanson, puis après, on se passera un petit titre le temps que les Wise Woods s'installent, j'espère. Ouais, mais ça va être vraiment 2 minutes, moi. Hein. 2 minutes. Ah ouais. Eh ben, allez, c'est parti. De toute façon, les 21h24, c'est parti. Ah oui, elle dure 2 minutes. Là, c'est vrai. Le fan absolu. Il connaît les tubes jusqu'au 2002. Je la connais pas. With the first singing lesson, she was polite and shy, with her short skirt and a red bruise round an eye. Made her sing a scale, the phone rang, I heard a man shouting. She hit a lick and hung up with a sigh. Every week I got a new episode live, a Ukrainian accent, a broken tooth smile. I ignored everything, we practiced breathing, 'cause if we didn't, I thought she might cry. From a desolate love to the back of a car. From a desperate love to a broken down heart. voice trembled to the ceiling like a little bird. That terrible sound from a pale, fragile girl. The phone rang, her face said, why don't you go fuck yourself? She let it ring, then I knew she'd found a new world. From a desolate love to the back of a car. From a desolate love to a broken down heart. She made a boat for the light. She left in the dark of the night. From a desolate love, every year she rides. C'est même moins que deux minutes. Disque luxe. Non, non, non, t'as fait un peu plus de deux minutes, Richie. On avait dit deux minutes. Ah, merde. Non, merci. En plus, j'ai coupé toutes les mesures et tout. Merci, Richie. Écoute, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Ouais, c'est toujours un plaisir de t'amener de la bière. Tu viens quand tu veux. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah, bah, quand elle vient de... Quand elle vient d'Angleterre, naturellement. C'est belge, quoi, non que... Non, c'est breton. Ouais, non, on en parlera. D'accord, bon, bah, je vous laisse. Hein. Merci. Merci. Ah, non, mais merci, Rich. That was a very good show. Merci. Voilà. On rappelle, Album Orchid, pour te suivre, il y a une page Facebook. Il y a tout. Enfin, bref, on mettra les liens. Et de toute façon, je pense que les liens ont été mis. J'ai juste deux trucs. C'est que j'ai une chanson pour Noël. Ouais, toi aussi. Voilà, et aussi quand on joue au Petit Bazar le dimanche 13 décembre à 18h30 après Emmanuel Etienne. En fait. Ouais, et là tu joues avec tout le monde. Avec toute la squadra, quoi. Donc il faut venir voir, rappelle la date, le 13 décembre au Petit Bazar. Le 13 décembre au Petit Bazar, qui est quand même pour moi, bah, vraiment c'est mon événement préféré de l'année, ouais. Même quand je joue pas. Hein. Ouais, ouais. Surtout quand je joue pas. Avec la finale de Ligue des Champions. Voilà. Ok, merci Rich. On va accueillir tout de suite les Wisewood Revolver. On va se passer un petit titre de Pavement. Alors j'espère juste qu'on aura le temps pour tout installer, sinon... Ça devrait aller parce que là quand même, il y a du matos. C'est parti, vous pouvez toujours nous suivre sur la webcam Pavement tout de suite dans Electrophone, spécial 30 ans. We had oysters and dry lancers and the check when it arrived. We went touch, touch, touch, touch a redder shade of neck on a wider shade of trash. And this emery board is giving me a rash. I'm flat out. You're so beautiful. Tell. Fadjet, 6h minuit. On parie qu'il y a quelque chose qui vous passionne. Changement de plateau, vous êtes toujours sur... sur Electrophone, c'est le vieux réflexe en fait. Donc toujours sur les 30 ans de Radio Fadjet, et donc c'est les animateurs d'Electrophone en l'occurrence, Damien et moi-même, qui avons la lourde tâche de vous occuper pendant 2 heures. On vous rappelle c'est que c'est une très lourde tâche. Ouais, non, c'est pas une très lourde tâche. C'est même un réel plaisir en fait. Exactement. Non, parce qu'en fait, là, c'est un peu la cacophonie ici dans le studio. Je sais pas, tous les mètres carrés sont pris et on reçoit les West Dude Revolver. Cyril, comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Ouais, c'est un vrai plaisir. Bah, écoute, c'est un vrai plaisir de vous recevoir. Tout le monde est encore en train de s'installer. West Dude, on peut peut-être te représenter en vitesse, quoique nous, on connaît. Je pense que les auditeurs de Fadjet connaissent, mais peut-être que les gens qui écoutent la radio à cette heure-ci ne connaissent pas forcément. Rock psychédélique ? C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. D'influences diverses et variées. Ouais. Donc de la région, vous êtes de Nancy, ouais. De Nancy, Metz, ouais. Ok, naturellement. Donc deux EP. Ouais. Hein, c'est ça, ouais. On peut vous retrouver un peu partout sur le net. Ouais, essentiellement sur le net, sinon dans certains shops comme La Face Cachée. Encore eux. Encore eux, ouais, apparemment. Ouais. Et voilà, mais sinon essentiellement sur le net, c'est ou à la sortie des concerts. Tout simplement. Et puis vous squattez une grande maison là, vous faites quoi là dans cette maison, vous non mais vous enregistrez un petit peu, vous... Ouais, bah en fait là on est un peu en train d'hiberner complètement. Enfin, on fait notre dernier concert là la semaine prochaine. Où ça? À l'autre canal avec la Strain. Alors ah bah tiens, justement, j'en profite pour dire que Electrophone refile des invitations à aller faire un tour sur le site. T'en veux bien une? Je te mettrai une de côté. Allez, la première partie t'es dehors. Canal, allez faire un petit tour sur le site www.mission-electrophone.fr et puis vous pourrez rafler une invitation. On en est où là les amis? Bientôt prêt? C'est bientôt prêt, ouais, je vois. OK. Je vous voulais parce que on s'est vu cet été, en l'occurrence, dans un festival qui s'appelait au fond du jardin de la Steph. Ouais. Donc, justement, Stéphanie Chéry et son mari qu'on embrasse. Et vous aviez fait une session acoustique absolument à tomber par terre, je tenais à vous le dire. Eh ben, merci beaucoup. Et de là, tout de suite, comme on se connaît un petit peu, je t'ai sauté dessus en disant, écoute, ça y est. Il me le faut, quoi. Sauf que tu ne savais pas qu'il y aurait autant de bordel. Par contre, je ne savais pas qu'il y aurait effectivement autant de bordel. J'espère que ça va bien rendre à la radio. Les micros, là, vous êtes professionnels de la musique. Pour vous, ça, c'est bon? Ça va, c'est supportable? Déjà, il y a podcast, donc... D'accord. Okay. Jusque-là, ça allait. Bon, là, on n'a encore pas essayé avec l'orchestre complet, parce que là, vous êtes combien? 5, 6? Ouais. Donc voilà, on va essayer. C'est de la vraie radio, c'est de l'impro, voilà. C'est du direct. S'il y a des professionnels de la radio et de la musique qui nous écoutent, la balance se fera un peu en direct. La balance se fera. Donc voilà, on va s'arranger sur le premier morceau, mais ça devrait aller quand même assez bien. C'est parti, vous êtes prêts? Vous jouez le tout premier. Tout le monde est prêt. Tout le monde est prêt. Cyril, alors qu'est-ce que tu nous joues? Eh ben, on va jouer une musique du deuxième EP, Robert. C'est parti. Voilà. C'est parti, The White Zoot Revolver, tout de suite dans Electrophone avec le titre. You can save my soul. You can drink my blood. You can break that wall. You can stop that flow. Flow. Woo! énorme les Wild Blues Revolver. Merci. Très chouette. Ouais, très chouette avec le titre Robert. Robert. Robert, moi je dis Robert. Qu'est-ce qui vous a fait Robert? C'est le gros Robert. Donc là pareil, on est retourné dans les années 70, Ride the Snake. Ouais. Hein, c'était ça. Non, nickel. Bah écoute Cyril, ouais, Cyril c'est sous le coup, c'est il y a que toi qui as le micro. Présente un petit peu tes camarades, parce que vous êtes beaucoup sur scène, c'est énorme, hein, j'arrive pas à prendre une photo d'ensemble. Ouais, pour l'instant, j'ai encore rien mis sur le Facebook, j'arrive pas à prendre de photos. Alors, mais ouais. Bah du coup, on a Clément à la basse. Il y a beaucoup de Clément chez vous. Il y a beaucoup il y a deux Clément, on a Clément à la basse, Clément au clavier, Jordan à la batterie, Val aux percussions, Jérémy à la guitare et moi-même Cyril à la guitare et au chant. Ouais, donc vous êtes vraiment dans le registre, effectivement, on disait rock psychédélique. C'est ça, vous êtes un peu les seuls à le faire sur l'ancien, Damien? Oui. Ouais, vraiment dans ce style. Non, mais en tout cas, vous avez une identité bien marquée. Il y a qui, pardon? My Lovely. My Lovely Underground, ouais, c'était peut-être. Il y a les Greta aussi. C'était un petit peu plus shoegaze pour les gens qui connaissent, mais en tout cas, vous avez une identité bien marquée. Et nous, on aime beaucoup. On se fait tout de suite un autre titre. Ouais. Tu m'as dit que tu avais pour 2 heures de musique, donc nous, on y va. Nous, on est fans, donc ouais. C'est parti. Et bah, du coup, c'est un titre qui n'apparaît nulle part. Ah, une exclue. C'est ça. Alors, pas une exclue, parce qu'on l'a déjà joué avant, on va pas te mentir, du coup. Ah. Mais c'est un des titres qui est, on va dire, en lice pour l'album sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Et donc, ah, bah, on en reparle juste après, alors, de cet album. Ouais, bonne nouvelle. C'est parti. Et le titre s'appelle D, je crois. D. C'est ça. Hein. Ok. On part sur D. On part sur D. Ok, c'est parti. D, Wild Blues Revolver en live pour les 30 ans de Radio Fadjet. Tell Yeah. Wouhou. Bravo, bravo. Merci. Je ne sais quoi dire. J'en ai la bouche B. Non, normal, tu t'appelles B. C'est vrai, c'est vrai. La bouche. Non, mais voilà, bravo, super. On rappelle que, on espère en tout cas que le son pour les gens qui nous écoutent est nickel. On me fait des, voilà, on me fait des. Ok, bon, bah, ça veut dire que le son est nickel. Non, on vous laisse appliquer pour vous quand même. Non, non, mais merci. Merci. Déjà, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bah, pareil, vous aussi, il n'a pas fallu vous pousser beaucoup. Non, non, bah, on a l'album à sortir, donc il faut qu'on fasse de la promo. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, ouais. Non, mais voilà, évidemment, on était super contents de venir là pour l'anniversaire. Bah, vous avez pensé à nous. On peut peut-être, tu parles d'album, on peut peut-être revenir sur Hear the Sun, qui vous a ouvert pas mal de grandes scènes. Il y a eu pas mal de trucs après Hear the Sun. Il y a eu pas mal de trucs. Là, on est parti sur autre chose, du coup, mais c'est vrai qu'on a eu des belles scènes, genre le JDM. Ouais, c'est vrai, ouais. Des dates à la BAM, des dates où d'ailleurs. Bah, pas mal de bonnes dates dans tous les cas, avec de très belles scènes. Et, c'était une bonne année là, qui vient de s'écouler. Ouais. Et donc, le prochain album, vous allez partir ailleurs ? Le prochain album, on ne part pas totalement ailleurs. On reste quand même dans, on va dire, dans cette veine. En revanche, on part. On a... Le Zouk, non ? Le Zouk, ouais. Le Zouk, va y avoir pas mal de changements au final. Tout simplement parce que là, en fait, depuis qu'on habite ensemble, on a le temps vraiment de réfléchir énormément à ce dont on veut faire dans la musique, etc. Et on a clairement, je crois qu'il y a un mot d'ordre en ce moment qui est absolument aucune concession. Du coup, il y aura, je pense que ce sera moins grand public, clairement, parce que là, c'est vachement abordable quand même comme musique, ce qu'on fait. Là, je pense que dans l'album, il y aura beaucoup de trucs très tordus et très. Enfin, voilà, on va aller plus loin dans ce qu'on fait. Le psyché, en fait. Ouais. À la Zappa, puisque je vois que Clément, il y a un t-shirt Zappa, ouais. Alors. C'est mort parce que je déteste Zappa. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi tu portes ce t-shirt. Non, mais. Non, alors, elle a Hoboken Division, vu que Clément porte aussi un t-shirt Hoboken Division. D'accord, ouais. Elle a Rika Lewis parce que. Je vais faire de la musique à la Rika Lewis. Mince, maintenant, faut citer toutes les marques de fringues, Damien. Merci. Ok, non, mais ouais, bah, en tout cas, on a hâte. Ça sortirait quand ? Alors pour le moment on a franchement aucune date parce que on mettait pas la pression vraiment ouais. Le temps on se fixe quand même un semblant de planning ouais. Parce qu'après tout ne dépend pas de nous, il y a aussi voilà faire appel à des gens pour qu'ils mixent, pour qu'ils masterisent le pressage, etc. Donc c'est des trucs qu'il faut prendre en compte. Nous on s'était donné comme objectif septembre octobre prochain. D'accord. Donc ça nous laisse quand même toute l'année, donc clairement on va faire un peu nos ermites. On a juste une petite tournée qui est en train de se monter en avril qui va nous permettre essentiellement de tester des nouveaux morceaux, etc. Et puis quand même de tourner et pas s'enfermer parce qu'on est dans notre cave un peu tous les jours, faut sortir prendre l'air un peu aussi ouais. et voilà, donc en gros on se fixe septembre octobre, il n'y a vraiment rien de fixé pour le moment, c'est l'objectif, histoire qu'on soit pas en branlée aucune à la maison en se disant qu'on a le temps quoi. Ok, un petit titre, il est quelle heure là, je regarde, excuse-moi. Hop. -10. Ouais, -10, c'est bon. Allez, un petit titre là. Okay. Alors, même peut-être le temps d'en faire deux, je sais pas. Bah, en fait, ouais. on a un grand. Night is Over et Hear the Sun qui vont ensemble, qu'on peut faire à la suite. Et ouais. Par contre, il faudra finir à 22h impérativement. Okay. Je vous ferai un petit signe. Hein. Vas-y, ça marche. Faites comme vous voulez, vous avez carte blanche. Et je pense que les auditeurs nous en voudront pas. Si le titre dure un petit peu. C'est parti. Oh my God. Oula. Bravo, bravo. Merci. Bravo, bravo. Joyeux anniversaire d'ailleurs. Merci, merci beaucoup. En fait, vous avez fini un petit peu plus tôt que prévu. Ouais. Qu'est-ce qu'on se fait ? On s'en refait encore une petite ? On a 4 minutes, ça vous va ça ? Alors du coup, on n'a plus rien. Du coup, vous n'avez plus rien. Non. On en avait une qui pouvait venir avant, mais pas après. Ah, d'accord, ok. Écoutez, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On va continuer un petit peu là-dessus. De toute façon, j'avais préparé un quiz, donc sous le coup, comme j'ai pas pu poser une question depuis le début. Ah, voilà, merci. Je vais vous poser des questions sur l'année 1997, les Westwood Revolver. Vous connaissez un peu en télévision, sport, tout ça. Sport, c'est votre truc, non, j'ai l'impression. Ouais, c'est grave. Hein ? On n'en parlera pas. On n'en parle pas. Alors, en sport, qui a seulement 20 ans, remporte Roland Garros contre Sergi Bruguera et devient le joueur le plus mal classé à remporter le tournoi du Grand Chelem en 1997. Yannick Noah en 1997. Déjà, c'est bien que tu saches que c'est un tennisman. Zizou. Non, c'est des mauvaises réponses, tout ça. Gustavo Kuerten. Bah oui. Ah oui, les gars, quand même. Non, mais on en reparlait l'autre jour. J'ai bien vu que c'était pas votre tasse de thé. Tiens, une autre, là. Celle-là, je suis sûr que vous allez trouver. Le 13 août, quel nouveau dessin animé, donc le 13 août 1997, quel nouveau dessin animé lance son premier épisode de la première saison nommé Cartman et une sonde anale ? South Park, putain. Bonne réponse, c'est une très bonne réponse. Respect my authority. Celle-là, elle est facile. Quel film de James Cameron est... Voilà, c'est très bien. Ah tiens, une plus balèze, là. Question musique. Question musique, main sur le buzzer. Damien, je prends la main. Qui est l'artiste français qui, le 6 octobre 1997, donna le plus grand concert de tous les temps à Moscou devant 3,5 millions de personnes. Jean-Michel fêter. Jarre. Bien, bravo. Bravo. Une question encore un peu plus locale, là. Qui a été élu Miss Lorraine en 1997 avant d'être élu Miss France en 1998? C'est Miss Mirabel. Miss Mirabel, n'importe quoi. Sophie Talman. Bien, bonne réponse. Sonia Roland, n'importe quoi. Là. Quel animal électronique qui vit et qui meurt sur un mini-ordinateur était une grande mode au Japon en 1997 ? Le Tamagotchi. Le Tamagotchi, bravo les Wise Revolver. Résultat des jeux, les Wise Revolver en première place. Hoboken Division en deuxième place. Rich Deluxe, troisième, on lui a pas posé de questions avec. Donc c'est un peu pour ça. Donc on va écouter les deux heures commencent à se finir, Damien. Oui. Moi j'ai passé un super moment. Moi aussi. J'espère que j'espère tous, que les auditeurs merci à tout aussi le monde ont passé un bon moment. Bon anniversaire à Fadjet. Ouais, bon anniversaire à Fadjet. Merci à tous d'être venus. Bon anniversaire Fadjet. Voilà, donc on merci à Swan, à Roger. Voilà, c'était ce que je vais faire, mais je cherchais mes notes, je me rappelais plus. Merci à Roger, à Swan, à Florent. Merci à Fadjet de nous avoir confié ces deux heures. C'était merci pas, à c'était Marie pas évident. D'être venue nous voir. Voilà, merci à Marie. Ouais, vous reverrez bientôt ces à photos Rémi. Sur Facebook. À Rémi, merci à lui d'être venu. On va sortir bientôt une compile d'ailleurs où les Wisewood seront présents, une compile de chants de Noël. Ça va sortir ça très bientôt. Prenez date. Merci à Marie, Mathieu et Thibaut de Broken Division, à Rich Deluxe, de Rich Deluxe, au Wisewood Revolver. Merci à Fabienne, Jean-Luc, Yves, toute l'équipe Fadjet. Merci à tous. Merci à eux. Merci à tous les gens qui nous écoutent. On va un se quitter sans plus attendre. De quoi ? On fait un petit titre des 97. Ouais, aïe, arrêtez. On va se quitter avec. Aïe, dans les yeux. On va se quitter avec un titre de 97, Supergrass, en l'occurrence le titre Richard 3. Et on va. Donc, l'émission qui va prendre le relais, c'est plutôt deux fois qu'une. Voilà, avec l'animateur Gaël. Qui est juste c'est derrière pas nous. Bis, non, le titre. C'est plutôt le fuck you. C'est plutôt le fuck you. Bon, voilà. C'était pas ta soirée, Swan, non, je crois, non, aujourd'hui. Non, écoute, mais... je suis là depuis 9h. Merci, merci beaucoup. On fêtera l'année 98, l'année de la Coupe du Monde. Ouais. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Allez, la.